Je regarde ce bébé. J'envie sa mère qui le berce devant les enfants qui jouent. Je sens les larmes monter. Oh Dieu, comprends mon tourment, la douleur s'étend en moi. Est-ce que tu répondras? Oh Dieu, si tu m'accordes un fils, j'en ferai ton élève. Est-ce que tu répondras? Oh Dieu, j'en ferai ton élève, quelqu'un qui saura nous indiquer le chemin. Attentivement écoutez, un garçon est enfin né. Je l'entoure de mes bras. J'ai retrouvé ma joie et ma fierté. S'adresse à lui, Samuel, une fois devenu grand, saura transmettre les mots de son Dieu. Samuel, une fois devenu grand, sera si important, il saura transmettre.